Les moments poétiques. Quand je m'abîmerai dans l'exil du grand âge, à l'heure où la nuit même enlaidira mon teint, lorsque pour me frapper chaque fois davantage, des plus jeunes que moi scelleront leur destin. Quand les vieux étendards aux claquements fantômes auront sur le sol mou fini tous en lambeaux, que seul célébrant la vie à pleins arômes, la poésie oindra les hymnes les plus beaux. Oui, quand sans déployer au ciel la moindre fable, une douceur jamais connue éclatera, une douceur profonde, enjôleuse, ineffable, dont je m'habillerai tout à coup de l'aura. Lorsque, enfin, jusqu'à moi, lumineuse trouée, s'éveilleront les balles du sein des temps caduques, que je verrai bondir leurs notes enjouées comme eussent reverdi les princes et les ducs. Alors, quelques moments drapés de sortilèges bouillonneront fougueux à travers les ans morts, et triomphal parmi l'assaut des florilèges, le poème d'un jour vêtira ses accords. C'est un après-midi si lointain et si proche, entre les murs glacés, des toux désole l'air. Dehors, la bise en rage un peu partout s'accroche au famélique pin distendu sous l'hiver. Comme est laide à frémir cette salle d'attente, comme chaque regard tisse l'ombre et l'ennui. Nul ne bégaye un mot, et la porte battante voit quelqu'un s'éloigner de temps en temps, sans bruit. D'une rêveuse main, une assez frêle mère laisse mourir ses doigts jusqu'au pli d'un berceau. L'enfant silencieux, dans la torpeur amère, semble dormir, soleil jouant sur le ruisseau. Dort-il vraiment? Tout près, quelque chose le trouble. Le voyage là-bas s'estompe à contre-cœur. Bientôt, les yeux ouverts, le monde apparaît double, et son bras pur s'agite et bat son petit cœur. Or, voilà que soudain, en mouvement de soi, les longs doigts maternels devant lui se font jour. Aussitôt le poupon, chaviré par la joie, lâche plein de babil, délicieux d'amour. Puis un beau rire frais venu du fond de l'âme baigne toute la pièce, abolit tous les sons. Et ce rire ingénu répand si loin sa flamme que chacun à l'entendre y cueille des frissons. La lumière festoie, ivre d'ail et de menthe. À la cloche, neuf coups déchirent l'été nu. Du lit sort un bras chaud comme une fleur aimante, tout enlacé encore au nœud de l'inconnu. Quel arrachement doux, quelle féconde brise, la tire des îlots clairsemés du sommeil. Elle sent que la nuit de toutes parts se brise pour la mêler au jour, le front lisse et vermeil. Le jour dont sur son cou la timide caresse vient asseoir le prestige à chaque effleurement. Mais déjà la voici, mignonne, qui s'empresse d'embrasser le tapis d'un jeune pied charmant. Autour des volets clos fusent des lueurs blondes. Près de moi, silhouette adorée, elle va, conjuguant l'éternel pendant quelques secondes, faire briller un geste inouï de diva. Et dans le tremblement moiré de ses épaules, dans le voluptueux roulis de son bassin, comme si c'était là le plus fameux des rôles, le rêve flottera, plus charmeur qu'un vent saint. Ainsi je la verrai, la nuque à la fenêtre, pleine d'une adorable et souple nudité, se fondre tout entière, à nouveau pour y naître, avec le fol éclat sensuel de l'été. Elle, 20 ans à peine, hirondelle en voyage, montre deux yeux songeurs lourds de joyaux diffus. S'il m'en souvient, peut-être ai-je aussi le même âge. L'automne, au coin d'un banc, met des rayons confus. Que m'offre-t-il, ces yeux habités à l'extrême, tel un monde sensible, entr'ouvert tout du long? Ne dévoile-t-il pas quelque huis clos suprême, où la vie du cœur fait jaillir le filon? Octobre qui jamais, jamais ne fut plus tendre, baise une feuille morte envolée à demi. Elle songe si loin, sans me voir ni m'entendre, au point de ne goûter que l'ailleurs, son amie. Troublante, face à moi, ses prunelles levées, par-delà le falot, l'anodin, le banal, mêle jusqu'à plus soif des fontaines rêvées, dont s'exhale, profond, le sanglot virginal. Elle songe, et je vole au bout de son errance, aux confins de sa quête, au tréfonds de ses nœuds. Crainte, suavité, nostalgie, espérance, un paysage court, changeant, vertigineux. Et l'absente, ô combien présente pour moi-même, livre dans ce regard, de chemin en chemin, toute une âme infinie animant le poème, mystérieuse et chère de l'éternel humain. Par on ne sait quel fil, je me rappelle encore le souffle printanier de certains beaux jeudis. Enfants nobles et purs que la grâce décore, elle et moi sourions à l'éclatant midi. Nous ne connaissons point les blessures des hommes. Le seul goût d'être ensemble illumine nos voies. Et comme rien ne peut ternir ce que nous sommes, aujourd'hui, c'est demain, cajolé maintes fois. 7 ans, pas un de plus, que l'heure semble unique. Le sacre nuptial approche en frissonnant. Ma fiancée en herbe, au feu, me communique, de sa lèvre un peu rose, un oui tourbillonnant. Son doigt, pâle et mignon, vite orné d'une bague, devient oiseau de cœur, caresse de l'esprit. Et l'amour qui chez moi règne, gonfle, divague, parsème ses cheveux d'un arc-en-ciel fleuri. Enfin, pour la combler, rêve de tous les rêves, tandis que le salon flamboie avec douceur, que submergé sous les délices les moins brèves, nous humons du futur l'onctueuse épaisseur. J'enlace à pleine main le rideau couleur neige, où je vois notre hymen vibrer de flux ardents. Puis, en cadeau béni, lumineux sortilège, je lui fais une robe et l'enroule dedans. 4 moments surgis des flots de la mémoire, 4 vieilles saisons comme décor lointain, ma figure trouée ainsi qu'une écumoire, jeune, resplendira de chaque don éteint. Un rire de bébé, l'hiver, qui nous étonne, un éveil somptueux se déployant, l'été, un regard automnal plein de fièvre gloutonne, un couple d'angelots qu'avril a transportés.